dédie cette chanson à tous les manifestants, à tous ceux qui sont allés dans la rue pour protester contre le gouvernement, pour réclamer qu'on leur rende leurs assédiques. Les paroles de cette chanson sont inspirées des slogans lus et entendus dans la rue. Voilà, merci d'être venu. Ciao tout le monde.